J'ai proposé aujourd'hui de parler de le cinéma des mots. Je suis un peu étonné parce que je m'attendais à trouver une forme qui m'était venue habituelle à l'éducation populaire où on se rassemblait. Donc ça se fait petit à petit. Bonjour, vous êtes rassemblés avec moi. Merci. J'ai trouvé une citation ce matin. Je vais vous parler, puisque on se rassemble. J'ai lu une citation ce matin sur un dépliant que j'ai eu à la manif hier contre la loi Khomri de la part des intermittents. Et nous savons que les intermittents viennent d'avoir un contrat qui semble toucher à beaucoup de besoins dont ils réclamaient satisfaction, mais nous savons aussi que cet accord est encore en péril et donc qu'il faut rester vigilant. De dire une forme, en fait. À la fin du pamphlet, ils disent le terrain des mouvements qui n'ont de cesse de circuler et de muter par leur circulation même. Et je suppose qu'on est en train de voir encore une petite mutation, ou conjugaison en tous les cas, de la forme habituelle de l'éducation. Il y avait ce mot « muter » qui m'intéressait, ce mot « muter », une mutation qui est différente d'une transition. C'est quelque chose qui se passe à une vitesse différente, je dirais. Nous avons l'habitude d'attendre les grands soirs. J'ai un peu l'impression que pendant un petit moment, on pourrait aussi s'habituer à ces différentes temporalités qui, me semble, peuvent être compris dans la mutation. Je pense que ces questions formelles sont super importantes. Ces questions formelles par rapport aux formes que nous donnons à nos rassemblements. Ça fait un petit moment que je viens à l'éducation populaire et où je me retrouvais dans ce forme. Je trouvais dans cette forme une forme d'écoute qui m'est encore précieuse. Et parmi les choses que j'ai entendues dans la forme de cette éducation populaire, j'ai écouté l'autre jour quelqu'un qui parlait de la prostitution humaniste. Mialis, je crois qu'elle s'appelait. Quelqu'un qui était là saurait peut-être nous dire. Et je voulais répéter une citation qu'elle avait faite de Griseldis Réel. Parce que cette citation situe certains enjeux par rapport à nos sexualités qui me semblent importants de redire de temps en temps. Donc Réal, qui était prostituée pendant sa vie, qui a laissé beaucoup d'écrits très très riches, à un moment, elle s'emporte et elle dit « Laissez les gosses jouer, se caresser, s'aimer et découvrir leur corps sans aucun mal. Car quelle est cette ordure qui a décrété que le plaisir sexuel donné par les caresses était un mal ?» J'étais très content d'entendre ces paroles dites. Ce sont des enjeux qui ne sont pas faciles. J'étais assez désarçonné de voir jusqu'où, et d'ailleurs j'ai l'impression d'y trouver une forme de réplique, jusqu'où ces paroles étaient coupées. Là, personne ne m'a coupé encore, mais j'ai au moins l'attention d'une personne. Par rapport à ces questions de forme, donc, je voulais rendre hommage à la forme qu'a pris jusque-là l'éducation populaire, parce que je pense qu'il y a des messages, des savoirs, des façons aussi de sentir ces savoirs, de se laisser ouvrir à des formes de savoir nouvelles qui me semblent très importantes. Dans cette forme, J'ai trouvé j'ai relu un peu Marilyn Hacker, qui est une voisine, je crois, qui habite pas loin. C'est une poétesse américaine qui a écrit un livre qui s'appelle La rue Palimpseste. Et il y a un moment dans un des derniers poèmes de ce livre qui s'appelle Canzone, où il y a une strophe que je voulais lire et là offrir justement à la discussion. Donc Marilyn Hacker, traduit par Claire Malrouf, écrit: mais même un interlocuteur silencieux ajoute quelque chose à la narration. Et la voici qui tourne et devient spirale, labyrinthe auriculaire, ajoute conjonction et conjecture. Le narrateur ajoute des détails précis, incitant l'auditeur à apprendre l'extrême attention. Je pense que ça suffit pour dire. Il y avait un peu, une partie du poème se passe dans les rues, sur le canal, juste à côté. Et elle ouvre à la rue. Mais il y avait quelque chose dans cette description d'un auditoire silencieux, interlocuteur silencieux, donc capable de réponse, qui ajoute donc quelque chose à la narration, comme mon ami vient de le faire avec un signe de la tête, par exemple. Et la voici qui tourne, comme ça vient de tourner, et devient spirale. Labyrinthe auriculaire ajoute conjection et conjoncture. J'ai été assez frappé en venant régulièrement ici. Je n'étais pas là hier pour l'évacuation de la place. J'entends des nouvelles ce matin. Je n'avais pas regardé en ligne ce matin. Cela m'inquiète, cela continue à m'inquiéter. L'activité policière autour de cette place est très, très inquiétante. L'activité policière autour de nos manifestations et de nos besoins de faire exprimer notre voix contre cette loi El Khomri et son monde, comme on aime à le dire, est très important et je reste très inquiet de la police. Il y a, il me semble, quand même quelque chose dans cette forme qui est très intéressant à ce moment qui pourrait être un moment de transition par rapport à ce qui se passe sur cette place, par rapport à où vont avoir lieu le genre de discussion que nous avons recommencé à avoir ici. Et peut-être qu'une des grandes différences dans cette forme par rapport à ici, c'est le fait que nous le faisons en plein air. Nous sommes dehors. Nous sommes dehors et j'ai l'impression que ce dehors fait quelque chose aux voix qui trouvent à s'exprimer les unes par rapport aux autres. C'est l'autre chose qui m'intéresse beaucoup dans ce format. C'est d'avoir quelqu'un qui pose certains enjeux. Donc là, je suis dans des enjeux de forme par rapport à cette éducation populaire, par rapport à nos formes de rassemblement, nos formes d'assemblée aussi. Je pense qu'on parle de faire une constituante ici, et je pense que c'est une très bonne nouvelle de commencer à en parler. Quelles formes vont prendre ces assemblées constituantes, me semble une question à nous poser, à commencer à nous poser. Je sais que ça se pose déjà, sans doute, aussi. Mais de tenter de tirer ces quelques fils ensemble et voir ce que ces formes peuvent encore nous dire. Je vais aussi dire que je suis professeur de métier, c'est un de mes métiers. J'ai deux métiers pour lesquels je suis payé. Je suis professeur et je suis traducteur. Et ces activités qui nourrissent par ailleurs une activité d'écriture qui devient de plus en plus conséquente là. Mais ça me fait beaucoup de plaisir de la voir prendre du volume. Il y a quelque chose dans cette forme qui me rappelle les formes de mon cours, d'un cours que j'ai fait à l'automne d'ailleurs, qui était très important de moi. J'avais 18 étudiants et nous avons traverser l'après de la déclaration de l'état d'urgence, de l'après de ces attaques qui ont eu lieu pas très loin d'ici. Nous avons traversé cela en discutant ensemble à partir des enjeux que j'amenais dans ce cours et qui étaient des enjeux de la sexualité, des enjeux femmes, des enjeux sexuels. C'est une autre raison par rapport à cette forme, mais j'ai l'impression de voir cette forme marcher sur différentes échelles quand je vois l'Assemblée générale. C'est la même forme, je crois, qui se fait. Répliquons-la ailleurs et un peu commençons à penser où cet ailleurs pourrait être, commencer à penser comment trouver des façons de continuer à accueillir la présence des dehors, du dehors, dans ces différentes formes, formes d'assemblée. Ce n'est pas du tout évident, le travail à faire est énorme. Le travail à faire est énorme. Une des choses qui m'émeut de participer à ce mouvement, à ces nuits debout, à ces manifestations qui se font en ce moment, une des choses qui me touche, c'est d'avoir l'impression de rencontrer des gens qui sont prêts à prendre le temps pour bien parler des très grandes situations auxquelles on fait face aujourd'hui. De ne pas sauter d'avance sur des conclusions, d'accepter que les formes que nous inventons vont amener certaines réponses à des questions, et d'accepter donc qu'il y a de l'inconnu. Il y a de l'inconnu. Les médias aiment bien dire que c'est le fait que ce soit aussi inconnu va faire disparaître notre mouvement. Nous rencontrons beaucoup de difficultés et en même temps, j'ai l'impression que non, parce que voilà que le rassemblement a déjà pris corps, un peu plus conséquent au début. Et j'ai l'impression que nous touchons à quelque chose de très intéressant au niveau de ces questions de temporalité dans le changement. Que nous sommes face à la possibilité d'énormément de changements qu'on a l'impression qu'on pourrait faire très très rapidement. Et je pense qu'il faut y aller, mais il faut aussi tirer le suc de ces formes qui vont nous aider, qui vont nous aider pour la suite. Un autre texte qui compte beaucoup pour moi est de Gertrude Stein, qui était parisienne pendant beaucoup de sa vie. C'est un petit texte qui s'appelle « Lève bas ventre » en français. En anglais, c'était « Lifting belly ». Et « Lève bas ventre », c'est le mot de code pour Gertrude Stein de faire l'amour. De faire l'amour, ouf. De faire l'amour. Et il y a une ligne, pardon, il y a un vers... traduit magnifiquement par un certain Christophe, un vers que j'ai lu ce matin qui m'a beaucoup frappé qui est « Personne ne doute encore ». Encore, c'est ORPS, encore, quand on est encore, personne ne doute. Et j'ai l'impression, sur cette place, dans des assemblées comme celle-ci, de retrouver comment prendre corps, moi. Et cela me fait très plaisir. Donc, peut-être que j'arrête avec ce plaisir, mais j'aimerais bien qu'on poursuive la discussion sur ces formes, sur les réponses en ce moment, ou les questions. Ou un petit silence, ou long. Pascal, bonjour. William, je vais poser une question un petit peu en lien avec le sujet. En fait, je pense qu'il y a des enjeux de vocabulaire qui sont très importants depuis le début de Nuit Debout, et que de l'autre côté, j'allais dire, ils s'emploient. À critiquer, humilier, mépriser et puis rabaisser le mouvement. En dernière date, on a quand même Nicolas Sarkozy qui a estimé que c'était sur cette place des gens sans cerveau. On se souvient du président qui trouvait qu'on était sans dents, pour nommer des fois les pauvres. Enfin, je voulais savoir, donc, est-ce que tu as conscience aussi de cet enjeu, c'est-à-dire la bataille des mots et la manière dont c'est employé éventuellement ou propagé pour essayer de discréditer d'un côté un mouvement et puis continuer à rassurer la population par ailleurs sur des notions comme la sécurité, ça va mieux, enfin, etc. etc. Voilà, merci William. Donc la question c'est, est-ce que j'ai conscience qu'il y a une bataille des mots qui est en train d'être menée? Oui, absolument. Donc je suppose que dans le titre de mon intitulé, c'est mots que, que tu soulignes. Oui, absolument. Il y a cinéma aussi que je n'ai même pas mentionné. Le cinéma était venu comme intitulé justement parce que dans ce cours que j'ai enseigné, j'ai fait un usage assez grand du cinéma. C'était aussi parce que j'avais envie de... Enfin, ce que tu viens de faire participe du cinéma des mots. Enfin, dit qu'il y a des batailles en cours, qu'il y a des gens contre qui il faut trouver des arguments de ce qui se passe. J'en suis très conscient. Je suis absolument prêt à défendre contre n'importe qui le besoin de ce rassemblement dans cette place, le besoin aussi de penser à quelle forme ça va prendre lorsque nos énergies vont partir ailleurs, et elles vont partir ailleurs, et c'est heureux. Je pense encore qu'il y a quelque chose à faire, au moins pour retrouver cette temporalité. Et je suppose que le cinéma des mots, c'est ma façon de dire que de mon côté, je travaille à donner des formes, à donner des échos de ce que je découvre ici, comme beaucoup de personnes. Je suppose que j'encourage tout le monde à participer de ce cinéma depuis leur point de vue tout autrement singulier. Il y a des batailles en cours, oui, j'en suis très conscient. Merci pour le rappel. Alors, moi, je suis Laure, je viens juste d'arriver, en fait, donc c'est peut-être pas très légitime, mais je voulais juste parler de quelque chose que vous avez peut-être aussi abordé. C'est sur... Enfin, je pense que c'est une idée qui véhicule... Bon, moi, je travaille dans le cinéma. Du coup, je suis bien tombée. Mais je crois qu'il y a une idée qui... Enfin, je sais pas, qui... Oui, qui est présente depuis très longtemps, qui est aussi qu'on vit dans une société de spectacle, qu'on a mis de spectacle. C'est Guy Debord aussi. Enfin, c'est une idée qui circule depuis très très longtemps. Le fait de se mettre en scène. Toute l'image sociale aussi qu'on véhicule. Moi, je voulais juste dire, l'Assemblée générale, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement envie de se mettre en scène, pour qui c'est dur de prendre la parole. Et c'est là justement où on va devoir inventer des formes pour que tout le monde se sente légitime de prendre la parole. Et on a beaucoup insisté sur la question de la prise de parole. Et c'est légitime, mais cette prise de parole, elle est magnifique aussi parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Et justement, je rebondissais un petit peu sur ce que tu disais, c'est que il y a aussi beaucoup d'écoute ici, et il y a aussi beaucoup de gens qui prennent le temps d'écouter et de peut-être revoir aussi, je sais pas, leur opinion sans parler de jugement. En tout cas, voilà, c'est un lieu de partage, et même si on sait qu'il y a une propagande qui est extrêmement forte de la part des médias. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une vraie propagande, tant dans les mots que dans les images. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont attelés à faire de l'anti-propagande, mais je pense que l'essence même, elle n'est pas forcément là, elle est aussi dans le fait que les prises de parole ici trouvent une écoute et une résonance. Et je pense que moi, c'est ça qui m'intéresse en tout cas. Oui. Par rapport à ce que tu disais au sujet de l'inconnu, moi, il y a un mot qui me vient, c'est l'ouvert. Je pense qu'on est en train d'expérimenter vraiment ce qu'on appelle l'ouvert, l'ouverture des possibles, qui est tellement importante dans un monde où on nous a dit qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il n'y a pas de société. Et par rapport à ce que tu disais de la société du spectacle, c'est vrai que société du spectacle impose à la population une propagande continue qui déforme complètement le mouvement quand elle en parle. C'est ce qui montre quand même l'étendue de la peur des gouvernants de ce mouvement. Et je pense que c'est pour ça que ce mouvement doit continuer et qu'il est magnifique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Moi, j'ai une question qui concerne beaucoup aussi la transmission en fait de cette culture alternative où, voilà, je crois qu'il y a, j'entends beaucoup de choses ici et je crois qu'il y a, il y a une véritable envie de réussir à le partager et à se constituer une sorte de ça a été mis en place, enfin j'en sais rien, mais voilà, à se constituer une espèce de, pas de bibliothèque, mais de possibilité d'aller retrouver des informations ou même des livres, enfin je pense que tout ce qui vit ici, c'est des idées encore une fois qui circulent depuis très longtemps et comment faire pour permettre un accès à tous, je veux pas forcément tomber dans l'ordre à tout prix, c'est une vraie question. Peut-être qu'il suffit de venir ici tous les jours, mais pas forcément, parce que les gens tournent c'est assez compliqué en fait pour moi. Il y a des choses très intéressantes qui sont pas forcément des livres ou des références littéraires, mais même des informations. Moi je cherchais comment sortir mon argent des banques. Il y a quelque chose qui existe, ça s'appelle, c'est un compte sans banque, ça existe depuis des années, et c'est une information que j'ai mis assez longtemps à retrouver, en fait. Donc ça peut paraître bête. Une question que je me pose, c'est-à-dire, comment pouvoir partager, il y a l'Assemblée Générale, effectivement, mais comment pouvoir créer ça, quoi. C'est la bonne question, je pense. Je pense que l'autre raison pour laquelle j'avais mis cinéma dans le titre, c'était pour suggérer qu'il y a d'autres lieux où on peut traiter ces questions d'autres façons, où ces questions ont déjà été traitées. Le cinéma est un lieu pour cela. Je peux être un peu... Oui. Mais c'est ce que j'aime aussi autour de cette passe, c'est que j'ai l'impression que nous posons la question de comment susciter la curiosité des gens par rapport à cette place. On ne peut pas les amener, on ne peut pas les forcer à venir, et tant mieux. Mais certains vont venir, encore pour un peu. Comment les faire venir à ce qu'on entendait ici, à l'ouvert que nous avons réussi à ouvrir ici. La question, c'est comment maintenir cette frontière un peu ailleurs. Le cinéma est un lieu pour moi, avant cette place en tous les cas, qui était une forme de repère pour moi, de me donner aux visions des films. Après, souvent, il m'arrivait, comme je fais par rapport à cette place, il m'arrivait d'écrire quant à ce que cela enclenchait en moi. Donc, je pense que c'est continuer ces formes de production en essayant de trouver les lieux où ils pourront parler au plus grand nombre, en trouvant le langage aussi, aussi très important. J'ai l'impression que nous sommes en train de réinventer des langages pour la politique. Là, Hollande et compagnie, ils ne parlent pas cette langue que nous parlons ici. Ils ne sont pas investis des mêmes formes de corps que nous prenons ici. Personne encore ne doute, oui, comme disait Gertrude Stein là. Bonjour, moi je suis du Québec, de passage. Ce que je me dis, c'est que moi je pourrais pas venir ici souvent. Et je trouvais que l'idée de partager ce que vous faites de façon plus global, parce qu'on commence à en avoir aussi des Nuits debout, je crois, à Montréal. Moi, je suis à Québec, mais j'aimerais beaucoup suivre ce qui se passe. Pensez-vous faire un site web, quelque chose comme ça, parce que sur les réseaux sociaux, moi, je m'informe là, tout ce qui est alternatif, mais est-ce que vous pensez, je sais pas qui lead le mouvement, j'en ai aucune idée, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? De vous suivre sur le web. Je C'est... Oui, en fait, vous devriez en faire part à vos amis québécois, enfin ceux qui habitent au Québec. D'accord, ok, bah, merci. Oui, je voulais revenir sur cet aspect cinéma. Moi, je pense, pour aller aussi beaucoup au cinéma, il y a deux films qui, à mon avis, ont été récemment projetés et sont complètement, à mon avis, intégrés dans les processus qui sont après exprimés dans Nuit Debout. C'est le film Demain. On voyait tout d'expérimentation, des gens qui ont déjà pris des initiatives pour repenser le mode de vie, le mode de consommation. Et puis, évidemment, Merci Patron. Moi, je pense que dans les manifestations, j'ai vu beaucoup de gens qui y font allusion. Ils ont vu Merci Patron. Et je pense qu'on a là, malheureusement, bon, là, il n'est pas toujours. On peut dire que Demain et Merci Patron ont bénéficié quand même de certaines salles parisiennes, on va dire, grand public. Sinon, c'est vrai que c'est souvent des cinémas qui sont un peu reclus dans des petites salles. Mais là, voilà deux films qui, à mon avis, au niveau du territoire, ont probablement joué un rôle à leur manière pour sensibiliser et puis. Faire réagir sûrement des gens à s'intéresser à ce qui se passait dans ces moments qui sont un peu particuliers où c'est moins organisé, moins associatif dans le sens, on va dire, institutionnel, quoi. Voilà, merci. Alors ouais, en fait, je voulais te répondre juste tout de suite parce que je trouve que c'est quand même une grosse erreur de mettre Merci Patron et Demain sur la même ligne. Pardon, hein, mais bon, alors je suis désolée, je fais un spoiler de fou, mais Demain, c'est quand même un film qui s'ouvre sur une femme enceinte. Enfin, alors je suis désolée, vous allez peut-être me trouver que, mais vous avez le droit tout à fait de réagir. Mais c'est quand même un film qui s'ouvre sur la silhouette d'une femme enceinte qui se dit que qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour son enfant. Merci. Enfin, je suis désolée, mais en fait, pour moi, c'est quand même un film qui est pas sorti vraiment du système. Demain, oui, bah il y a quand même toute la thématique du voilà, j'ai fait un enfant, je me demande comment voilà, et donc du coup aller voir toutes les alternatives qui existaient. Bah, je parle de la démarche qui est quand même pas du tout la même. Non, mais après, enfin voilà, moi j'adore le documentaire en fait, et j'ai trouvé la forme très triste de ce film. Je l'ai trouvé quand même très lisse. Mais après, enfin voilà, c'est des choses merveilleuses et c'est bien que ça ait un retentissement. Maintenant, il y a quand même des films de contre-propagande qui n'ont pas eu accès aux salles du tout. Notamment, il y a un film qui a été fait, mais encore une fois, je n'ai plus la référence parce que j'ai vraiment une mémoire de merde. Mais il y a un film qui a été fait, notamment dans les prisons, qui n'a jamais été diffusé dans les cinémas de manière légale parce que ce n'était pas possible. Voilà, il y a beaucoup de films qui ont été faits et qui n'ont pas pu avoir cette visibilité-là parce qu'ils étaient beaucoup trop contestataires. Et justement, en fait, c'est l'intérêt aussi de pouvoir les faire tourner, de pouvoir les faire voir peut-être ici, parce que malheureusement, ils n'ont pas eu voilà la possibilité d'être diffusés voilà dans des vraies salles. Je suis intéressé par les deux commentaires, en fait. Je pense que, indubitablement, Merci Patron a donné une vraie énergie de départ à ce qui se passe ici, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose à demander au patron. Genre, et d'un coup, c'était une sorte de vertige devant l'ouvert de possibilités. Une fois que la démonstration de cela est faite, on se tourne vers d'autres questions assez rapidement. Ces questions de diffusion, de plateforme, de comment on va faire pour continuer à faire venir le monde à une façon de travailler, ce sont des questions énormes et de belles questions auxquelles nous apportons déjà des réponses. Enfin, je citais un truc que j'ai eu à la manif hier. Ces formes sont en train de se mettre en place. Les deux films que vous avez mentionnés sont des films très récents aussi. Il y a aussi je peux juste rapidement peut-être évoquer un film que j'ai enseigné à ces étudiants californiens, donc qui étaient venus à Paris pour leur semestre d'études. J'ai enseigné le film de Chantal Ackerman qui s'appelle De l'autre côté, qui est un film époustouflant. Elle est partie dans les jours suivant l'attaque contre les tours en 2001. Elle est partie sur la frontière mexicano-américaine. Elle est partie sur cette frontière et elle a fait des entretiens avec des gens qui habitaient de l'autre côté, des deux côtés de cette frontière, qui avaient des rapports à cette frontière. J'ai enseigné ce film dans les jours suivant le 13 novembre, je l'ai enseigné début décembre à des Californiens qui étaient là, et j'avais l'impression de trouver comment par son exemple trouver des mots pour continuer à ramener des gens de notre côté. C'est ça qui est l'enjeu, et il y a, c'est pas des techniques, mais il y a des formes d'écoute dans ce film qui sont très très riches et qui sont là depuis 2002, je crois, le film est sorti, et il s'agit de d'être attentionné et intéressé par ces ressources qui sont là et que nous, auxquelles j'ai l'impression que nous gagnons une nouvelle forme d'accès avec ce qui se passe ici. C'est mon impression en tous les cas. Bonjour, moi j'avais envie de parler d'un roman que j'ai lu assez récemment. Ça s'appelle La zone du dehors d'Alain Damasio. C'est un roman de science-fiction. Et alors voilà, pour placer un peu, c'est une société de contrôle qui mise tout sur le confort et la prétendue sécurité des citoyens et citoyennes. Et il y a un groupe de résistance qui se forme parce que c'est un régime quand même très autoritaire, même si c'est du pouvoir qui est, et du contrôle qui est absolument diffus, qui se pratique aussi entre citoyens et citoyennes. Et donc il y a ce groupe de résistance qui se fait appeler la Volt, qui insiste énormément philosophiquement sur les notions de mouvement, de vivacité contre justement l'endormissement en fait de la société. Et il y a cette cité qui existe, et tout autour il y a la zone du dehors à laquelle normalement on n'a pas accès, et donc c'est dans cette zone que le groupe de résistance va décider de monter une société alternative. Et pour toucher les citoyens et citoyennes à l'intérieur de cette société, ils détournent en fait les appareils de répression ou de diffusion de propagande, tels que des micros qui sont placés à chaque coin de rue, et ils utilisent en tant que porte-voix, ils diffusent des vers de poésie, plein de choses comme ça. Et donc voilà, il y a ce rapport au langage hyper intéressant. Et Damasio, il a écrit énormément de choses que j'aime beaucoup. Il a aussi une nouvelle dans laquelle il imagine que les mots ont été privatisés et que, en fait, pour disons que les citoyens et citoyennes de base ont un vocabulaire très très restreint qu'ils ont le droit d'utiliser, et si on veut utiliser dans la rue ou dans les écrits d'autres mots, il faut payer des droits en fait aux compagnies qui détiennent justement ces termes là et voilà, je trouvais ça super intéressant. Je voudrais juste rebondir sur un petit détail que je trouve intéressant par rapport aux mots, etc. C'est que ce livre-là de Damasio, qui est vraiment hyper politique, donc il s'appelle La zone du dehors, c'est un mec qui a écrit aussi La horde du contrevent, qui est un très très très beau livre aussi. Et La zone du dehors, c'est un peu l'équivalent pour moi en termes politiques de 1984 d'Orwell. Et ce qui est marrant, c'est que c'est classé en science-fiction, comme par hasard. Parce que comme ça, quand on n'aime pas la science-fiction, bah, on tombe pas dessus. Et comme c'est des tout petits rayons dans les librairies, bah, très peu de gens connaissent. J'ai très très peu lu de science-fiction, mais je reconnais que c'est une contrée énorme de richesse, et surtout ces dernières années. Si je connais cette poétesse Marilyn Hacker, c'est aussi que j'ai lu les écrits autobiographiques de Samuel Delaney, qui est un écrivain américain de science-fiction, qui a commencé son œuvre à partir des années 60, et qui a justement des volets d'autobiographie par rapport à la découverte de son homosexualité à New York, qui sont absolument incroyable et absolument formateur pour moi. C'est en même temps que lui, il crée, il se lance, si je m'en rappelle bien, il se lance dans la science-fiction à peu près au même moment de cela. Donc, la science-fiction à venir, je suis tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques à faire? Bon, merci à tout le monde. Merci William.